Le lendemain, après la promenade en barque, on aborda, et pendant que le baron, descendu le premier, retenait la barque au rivage en tirant sur une corde, le vicomte prit dans ses bras Jeanne pour la déposer à terre sans qu'elle se mouillât les pieds. Ils entendirent tout à coup le père Lastic disant au baron « Mais t'as vu que ça ferait un joli couple tout de même ?» Dans une petite auberge, près de la plage, le déjeuner fut charmant. Jeanne et Julien parlèrent d'eux, de leurs habitudes, de leurs goûts. Et plus leurs cœurs se rapprochaient, plus ils s'appelaient avec cérémonie « Monsieur et Mademoiselle », plus aussi leurs regards se souriaient, se mêlaient. Jeanne dit enfin « Comme j'aimerais voyager !» Le vicomte reprit « Oui, mais c'est triste de voyager seul. Il faut être au moins deux pour se communiquer ses impressions. » Elle baissa les yeux, puis d'une voix lente « Je voudrais aller en Italie. Et en Grèce. Ah oui, en Grèce. Et en Corse. Ce doit être si sauvage et si beau. » Julien préférait la Suisse à cause des chalets et des lacs.